Bonsoir, vous êtes sur La Vie Punk. La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un genre en musique. Je suis accompagné, comme toujours, de Alina et de Lina. Alors, La Vie Punk, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission étudiante où on passe des musiques qui nous tiennent à cœur. Et en fait, à chaque fois, on va présenter un thème ou alors un mouvement musical. Et on va aussi dire des news qui se passent autour de Nancy, donc en Lorraine, ou dans le Grand Est en général. Et à la fin, on parle aussi de nos coups de cœur, donc ce qu'on écoute en ce moment. Voilà, donc nous allons passer aux news. Les news ! Alors, en premier, on a un festival qui se passe à l'Octroi le 29 et 30 juin. C'est le Fais-toi-même Festival. Donc au programme, il y a des concerts, des ateliers participatifs et aussi des expositions. Donc c'est un festival qui est assez dirigé vers l'art et sur les ateliers. Nous passons ensuite au Festival de la Palette qui se déroule à Maron le 21 et le 22 juin ainsi que le 29 et le 30 juin. Donc il y aura des concerts, des spectacles, des animations et il y a également un camping. Est-ce qu'on passerait pas au thème ? Oui. Alors qu'est-ce qu'on a choisi comme thème ? On a choisi le New Metal pour cette émission. On passe à l'histoire du New Metal ? Allons-y. Donc le New Metal, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui est apparu vers la fin des années 90. Et le New Metal est un dérivé du metal. Et les groupes et artistes pionniers sont notamment Korn, Limp Bizkit, Deftones et Slipknot. Mais au cours des années 2000, il y a des groupes qui se sont également fait connaître, tels que Linkin Park, Evanescence et Papa Roach. Donc il y a un des événements qui a vraiment marqué le New Metal, c'était le Woodstock 99. Premièrement, le Woodstock 99 avait pour but de reproduire le Woodstock 69, donc avec cette ambiance peace and love, hippie. Mais cependant, ils ont décidé de faire une setlist, on va dire, chargée. Et de nombreux groupes marquants du New Metal ont été choisis pour cet événement. Et il y a eu de nombreuses mauvaises conditions, notamment des tickets très très chers, un non-accès à l'eau, un camping désastreux, de la pluie, de la boue. Donc forcément, toute cette ambiance a mené à des émeutes, et notamment pendant le concert des Red Hot Chili Peppers, à la toute fin, ils ont distribué des bougies pour, pareil, reproduire l'ambiance Peace and Love, ce qui a mené à des feux. Super. Tip top. Et donc, le nu metal a également fait un retour ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux, on pense notamment à TikTok, et se transmet également de génération en génération. Comme beaucoup de mouvements, les fans du nu metal ont souvent des caractéristiques reconnaissables, comme un style streetwear, avec un rejet des normes et une mentalité relativement agressive qui correspond à la mentalité des groupes. Pour parler un peu du nu metal en France, alors le nu metal en France a connu un très grand succès, malgré que je connais honnêtement très peu de groupes nu metal français. Après, on peut quand même parler de Acme, Playmo, Elancer, qui sont des groupes qui sont maintenant dissous pour la plupart. Mais quand le nu metal a une grande influence en Amérique, comme je dis toujours, ça tarde jamais à arriver en France. Genre, l'année suivante, c'est apparu. Les premiers groupes se sont formés en 95, 96. Donc voilà, comme on disait, le début du nu metal, c'est les années... Oui, la fin des années 90. Donc ça tarde jamais trop à arriver en France, même s'ils n'ont pas connu un très grand succès. Malheureusement. Ouais, malheureusement, je suis sûr que c'est pas si mauvais. Honnêtement, j'ai jamais écouté. Peut-être parce que j'en ai aussi un peu jamais entendu parler. Je suis tombé là-dessus en faisant mes recherches, mais honnêtement, je suis sûr qu'il y en a qui sont pas si mal. Il y a du potentiel. Et bah, commençons à écouter les musiques choisies. Eh bah, écoutez, on va commencer par quoi ? On va commencer par Psycho de System of a Down. We'll be right back. your body for a drop from the time you were a psycho, propane, cocaine, crazy. So you want to see the show? You really don't have to be a hoe from the time you were a psycho, propane, cocaine, crazy. Psycho, propane, cocaine, crazy. Psycho, propane, go. Makes you high, makes you high, makes you really wanna go. So, psycho, propane, cocaine, crazy. Psycho, propane, go. Makes you high. Rushing to watch your spirit fully drunk from the time you were a psycho, propane, cocaine, crazy. So you want to see the show? You really don't have to be a hoe from the time you were a psycho, propane, cocaine, crazy. Bien sur Ambipunk, on vient d'écouter Psycho de System of a Down. Alors du coup, Psycho de System of a Down, c'est un de mes choix. La chanson est parue en 2001 dans l'album Toxicity, et du coup la chanson parle de façon assez humoristique des phénomènes un peu de groupie, et la musique c'est de dénoncer le fait que pour en tirer davantage, il y a certains fans et certains artistes qui couchaient ensemble. Alors du coup, soit pour avoir des places pour le concert en question, ou alors juste pour profiter de la personne. Je les comprends. humour. Mais du coup, la chanson parle de sujets assez variés, comme des abus de pouvoir et forcément des relations parasociales. Mais cependant, après, les chansons de System of a Down, elles sont toujours à interpréter personnellement. Elles ne détiennent pas forcément une vérité, entre guillemets, générale. Le groupe a notamment déclaré plusieurs fois que les musiques étaient personnelle et qu'elle ne voulait pas dire grand chose d'ailleurs. Donc même si le groupe possède de fortes convictions, notamment pour dénoncer le génocide arménien, c'est à prendre avec des pincettes. L'album, il a notamment fait assez parler de lui parce qu'en 2001, du coup, il a été censuré à la radio aux États-Unis du fait que le climat aux États-Unis était assez tendu à l'époque. Et l'album, cause des attentats du 11 septembre. Oui, forcément. Du coup, l'album était considéré comme trop violent. Voilà. Okay. Ce qui est dommage parce qu'il portait quand même de beaux messages. Ce qui est assez ironique quand on voit après la réponse des États-Unis, mais la vie punk ne se déclare pas politiquement. Exactement. Peace and love, la musique. Toujours. Peace and love, la musique. Et puis voilà. On va passer à la suite. Donc on va désormais écouter Closer de Nine Inch Nails. I wanna fuck you like an animal. Vous êtes toujours bien sur la vie punk, on vient d'écouter Closer de Nine Inch Nails, qui est donc un single sorti en 1994. En tout cas, on se faisait la remarque, c'est une musique qui est présente dans un film très connu avec Brad Pitt qui s'appelle Seven. De David Fincher. De David Fincher. Le regard en mode c'est moi qui devais le dire, eh ben, je non, le c'est dis. Pas grave, je le dis. Faut bien meubler. Mais du coup, voilà, donc ça parle de l'obsession amoureuse et voilà. Lui, j'aime bien la chanson. Et compréhensible. Bien représentatif, je trouve, un peu des classiques du nu metal. Voilà. Très bon choix. Eh ben, je vais vous faire écouter, moi, mon morceau. Alors, moi, j'ai pris un classique, on parlait de Slipknot, donc j'ai pris une musique de Slipknot qui s'appelle Eyeless, qu'on va écouter tout de suite. Son, 'cause he's a phantom, a mystery, and that leaves me nothing. Many times, if you wanted to die, it's too late for me. All you have to do is get rid of me. You can't get out of here with a murder penalty. Sur La Vie Punk, une émission qui vous présente un style, un genre en musique. On vient d'écouter Eyeless de Slipknot. Alors, Eyeless, c'est une musique que moi, j'ai choisie du coup pour le thème du nu metal. Alors, la musique a des paroles assez profondes. à certains moments et des fois pas du tout. C'est-à-dire que dans les avant-refrains, ça peut être très... Bah, on peut citer le « I am a father son », »,« Je suis le fils de mon père », ce qui paraît logique. Et il y a des paroles très profondes comme « Can not see Marlon Brando's eyes », qui fait référence à l'idée que on peut pas vraiment apprécier le succès ou le bonheur sans avoir connu l'échec ou la tristesse. Voilà, donc... Ça fait réfléchir. Ça fait effectivement réfléchir. C'est vrai que là, les paroles, elles sont assez paradoxales. Mais... Et on parlait aussi que le niveau à la batterie était vraiment très impressionnant. C'est vrai que c'est monstrueux. Personnellement, je pensais vraiment que c'était de la batterie électronique au début. Je t'assure, moi, mon batteur, parce qu'on est dans un groupe, mon batteur, voilà, que j'embrasse fort s'il écoute l'émission. Théo. Il n'écoutera pas, mais c'est pas grave. Il peut la jouer. Ouais. Alors, il tire une tête quand il la joue. Il est en train de mourir. Il a les veines qui sortent au niveau du cou, du front. Il est courageux. Ouais, c'est vraiment. Vrai. Mais je trouve qu'il faut souligner quand même que dans le nu metal, il y a beaucoup soit de simplicité dans les morceaux, soit alors justement d'une grande complexité niveau instrument. Oui. C'est très... Enfin, il y a de tout. Bah, c'est vrai qu'après, on peut citer System of Down pour les paroles un peu profondes, des fois, qui ont en tout cas des messages à délivrer. Ouais, c'est engagé. Mais et encore, ça dépend, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est assez marrant. Ok. On passe à la suite. Ouais. Alors moi, j'ai choisi Good God de Korn. Eh bah, on écoute ça, hein. Toujours bien sur la V-Punk, une émission qui représente un style, un genre en musique. On vient d'écouter Good God de Korn. Du coup, j'ai choisi cette musique pour le thème du nu metal. Alors, la chanson elle a été publiée en 1997 dans leur second album. Et du coup, dans cette musique, le chanteur Jonathan Davis, il déclare un peu... il parle d'un garçon qu'il avait rencontré étant plus jeune, qui profitait du chanteur. Il était constamment chez Jonathan, et puis ensuite, il lui imposait même son style vestimentaire. Donc la chanson, c'est un peu l'opposé d'un hommage, c'est même la critique de ce garçon. Et franchement, j'aime beaucoup la brutalité qu'elle apporte, que ce soit dans les paroles ou même dans la musicalité en général. Et elle a d'ailleurs atteint la deuxième place du classement rock metal en Angleterre en 1997. Je savais même pas, tu vois. Un grand succès. Ouais, c'est un grand succès. Pourtant, c'est pas la plus connue de Korn, tu vois. Non, c'est vrai. Blind est sûrement la plus connue de Korn. Ouais, et on va l'écouter d'ailleurs tout de suite. Sur la vie punk, une émission qui vous présente un style, un genre, en musique. Parfait, hein, on est corda. Et aujourd'hui, on a choisi le thème du new metal. Voilà. Et là, on vient d'écouter Blind de Korn, qui est donc un single sorti en 1994 et qui parle de douleur émotionnelle et de désespoir. C'est extrêmement joyeux. Super. De toute façon, Korn, c'est jamais joyeux. Oui, dans tous les cas. Soit c'est pas audible. Soit c'est triste. Enfin bon, moi j'aime bien. Oui, mais c'est marrant en plus parce qu'on n'entend pas vraiment la tristesse dans la musique. Je veux dire, c'est plutôt de la colère. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant comment on peut voir un peu tous les groupes transmettre leurs émotions et leurs messages. Sur ces belles phrases, on va passer à la suite. Et on va passer du coup à une nouvelle musique que moi personnellement j'ai choisie. Donc c'est la dernière musique avant les coups de cœur. Donc c'est American Idiot de Green Day. Petit problème technique, la musique s'est coupée d'un coup. Alors je pense que c'est un problème de, comment dire, de l'enregistrement de la musique à la base. Mais du coup, on vient d'écouter American Idiot de Green Day. Voilà. Elle parle de la peur d'une nouvelle guerre en Iran ou en Irak. Je ne sais jamais. C'est après les attentats justement qu'on parlait juste avant. Les pays là. Bref. Ils ont entre guillemets peur et qu'il ne faut pas être un Américain idiot de se dire que c'est de la faute des Irakiens. Si y a cette guerre, parce que c'est pas eux, et que ça sert à rien d'aller les attaquer, et que c'est plus des fins politiques. Et ça fait aussi référence un peu à la guerre du Vietnam. En fait, ça explique à ne pas être un Américain idiot. Et ce qui est ironique, c'est que la couverture de cet album, c'est un homme qui tient une grenade dans sa main, et la grenade, elle est représentée en forme de cœur. Comme si, c'est juste pour aller se faire péter le cœur si tu vas à la guerre. Ouais, ok. Voilà. Sympa. Moi, j'aime beaucoup cette musique, mais j'ai toujours un problème avec cette musique. Elle me rappelle le générique de Phineas et Ferb. Ah, c'est vrai, un peu. En me repassant un peu là le générique, c'est vrai que... Il y a vraiment une ressemblance. C'est vrai qu'il y a une ressemblance de fou. Il y a peut-être eu un bon goût de la part des réalisateurs de Phineas et Ferb. On se dit, allez hop, on va s'inspirer. C'est parti. On va passer au coup de cœur. Allons-y. Les coups de cœur. qu'est-ce que vous avez choisi comme coup de cœur pour cette émission ? Alors, mon premier coup de cœur, c'est une musique d'Ed O'Brien, un des guitaristes de Radiohead, qui a sorti son album solo, et la musique s'appelle Cloak of the Night. D'écouter Cloak of the Night d'Ed O'Brien, donc un de mes coups de cœur. Et ben, en tout cas, moi je connais Ed O'Brien parce que tu en parles jamais. Non, mais c'est vrai, je suis très discrète sur ma passion pour Radiohead, donc. Ah là là. Non, mais en vrai, c'est grave doux et tout, ça me donne envie de l'apprendre, tu vois, la guitare. Ah oui, c'est compréhensible. Enfin, je pense qu'il. Mais Ed O'Brien a beaucoup de sources dans tout ce qui est musique, un petit peu. Telle que la bossa nova, donc là où il y a beaucoup de finger picking, de techniques comme ça, donc on reconnaît beaucoup ses inspirations dans son album. Ouais. On passe du tout au tout, hein. On est passé du new metal bien hard, bien ça crie dans les micros, à un truc super doux et tout. Voilà. C'est bien. On passe ensuite à mon coup de cœur, donc In My Room de Insane Clown Posse. Are you gonna let me in? Hello. Hello. 2:45 and the bell went off, thank God. Many people think I might, but I talk with no one and I walk alone and I avoid sunlight with a chalky tone. I get home and don't say hi, it ain't no one there. I don't care, I walk in and go right up the stairs to my room, get in bed and just wait for dark because that's when a real show starts. Tap, tap, tap on a glass, go to piece of ass. So young and pretty, it's too bad she passed, but she comes to my room and we talk at night. She's demonic and bloody, but she holds me tight in my bedroom. With her, I'm never alone and I kiss her cold lips until the morning comes and she gone. I can still hear her voice loom, but she only exists in the dark of my room. Love, I can't ignore you. In my room, do anything for you, lady. Tap, tap, love, I do adore you. In my room, tap tap on my ass. Love, I can't ignore you. In my room, do anything for you, lady. Tap, tap, love, I do adore you. In my room, tap tap on my ass. I try to smile a lot, but I'm always frontin'. But I do love a ghost, and at least that's something. She don't talk much, when she do it gets cold. Usually we just lay there when we hold each other. We're lovers, we don't need others. One of my mother's cats jumped up on the covers and it scared my baby, guess she don't like pets. So I twisted its fucking head off at the neck. Look baby, it's bloody, it's gone, it's doomed. Please, come. come back to the room. I do anything for thee. Don't ignore me. This is more than a sick love story. Without you, I'd bring a shotgun to school, and I will if you want me to. For any reason, I hate that you leave when the lights come on. And if I had it my way, the fucking sun would be gone. Love, I can't ignore you. In my room, do anything for you, lady. Love, I do adore you. In my room, tap tap on my ass. Love, I can't ignore you. In my room, do anything for you. I start shaking, she slips me the tongue and it tastes like bacon. Uh-oh, something's wrong, baby's upset. She told me she was spotted by the neighbor's kid. She can't come back now cause they know our secret. Unless I can make them keep it. If I do, she may come to life. Now I'm in their yard with a shotgun and knife. Cut the screen, went in and found the kid. Blew a bowl of spaghetti in the side of his head. And the daddy was next, running down the hall. I shredded his throat and he was quick to fall. Tossed a Mossberg and gripped the knife. Started stabbing the shit out of his wife. Went home a bloody mess with a job well done. Wash up, wait for my baby to come. I can't ignore you. Do anything for you, lady. I do adore you. Tap tap like always. I waited and hated this. I created a bloody mess. I waited 2 or 3 months, 4 months, waiting for the tap tap just for once. I waited and hated this. I created a bloody mess. I waited 2 or 3 days, 4 days, waiting for the tap tap like always. I waited and hated this. I created a bloody mess. I waited 2 or 3 months, 4 months, waiting for the tap tap just for once. I waited and hated. Vous êtes toujours bien sur Heavy Punk, on vient d'écouter In My Room d'Insane Clown Posse. Posse. Un coup de cœur de Lina, donc. Voilà, j'aime beaucoup. C'est vrai, bonne musique du moment. Exact. On rigolait un peu sur la prononciation de Posse, on comprenait pas comment ça marchait. Voilà. Posse, c'est vrai, c'est pose. Mais je sais pas, moi je dirais Posse. Posse. Qu'importe. Faudrait envoyer un mail au groupe directement. Voilà, exactement. Comment ça se prononce? Dites-nous. Bah écoutez, on le fera et puis on dira si on a une réponse. On va passer à la dernière musique qui est mon coup de cœur. Donc c'est une musique qui envoie un peu plus. Ça va être une musique de Misfits qui s'appelle Dig Up Her Bones. Climbs up the steps one by one to get. vient d'écouter Dig Up Air Bones de Misfit. Voilà, donc c'était l'un de mes coups de cœur. Donc j'aime beaucoup cette musique pour sa tonalité. Bah déjà, ils sont en deux demi-tons de moins, donc j'aime beaucoup les musiques qui sont pas dans les tonalités originales. Et puis parce que c'est Misfit, hein, j'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai, compréhensible. Voilà. On vient de faire une émission sur... Le new metal. Voilà, en cœur, c'est parfait. Le new metal, voilà. Et bah, c'était La Vie Punk, une émission qui vous présente... Un genre. Un mouvement. En musique.